L'Académie Fadjet. L'Académie Fadjet. Avec ce soir. Avec ce soir, les deux équipes finalistes recomposées pour l'occasion après 8 semaines de compétition. Tout d'abord, les Alphes composés d'Edith et Yves, on va dire ceux du départ, et enrichis cette semaine, ce soir plutôt, d'Agathe, que l'on avait vue dans l'équipe des Durs, la première équipe au mois d'octobre dernier, et de Kevin qui est nouveau et qui va intégrer pour la finale donc l'équipe des Alphes. Bonsoir. Vous l'aurez compris, derrière moi, il y a du public. Cette émission, cette finale est en public. Et pour affronter les Alphes, il y a ceux qui ont tout écrasé sur leur passage. Ils ont réalisé les 40 marches en 26 minutes, 26 secondes. C'est la bande à Bruno, composée, bien sûr, du chef, du boss Bruno, mais aussi de Marion et de Manon, et enrichi aussi pour l'occasion d'Alex, puisque Maud n'a pas pu être avec nous. Voilà, j'ai pas donné le temps des Alphes, c'était 29 minutes et 16 secondes, 26 minutes et 26 secondes pour la bande à Bruno. Ce soir, pour élire le vainqueur, on ne change pas le principe du jeu. 40 marches à gravir avec des questions à 10, 5, 3 et 1 marche. Une seule question à 10 marches possibles. On tire au sort les catégories et on choisit les marches attribuées. Petite nuance pour la finale. Si vous chutez sur une question, vous ne pouvez plus utiliser le nombre de marches correspondantes. Je donne un exemple, c'est plus simple. Si vous avez une question à 5 marches et que vous échouez, plus de questions à 5 marches. Parce que ça galopait bien les questions à 5 marches. Hein. Allez hop, 5, 5, 5 et hop, on arrive vite à 40. Pour cette finale, les deux équipes vont donc jouer à tour de rôle avec deux questionnaires distincts et deux compteurs temps. À chaque réponse validée, le compteur temps s'arrête, il reprend au moment du tirage au sort de la catégorie. Et l'équipe gagnante sera celle qui sera arrivée en haut des marches en moins de temps. Pour atteindre les 40 marches, les deux équipes bénéficient de jokers publics. Ils en auront deux. Alors attention, hein, il faudra choisir une personne dans le public. Hein. Voilà, je prends par exemple François ou quelqu'un d'autre. Évidemment, rappel rapide des 6 catégories, parce que pourquoi on a fait ce jeu, Fabienne l'a souvent dit cette année, elle l'a redit la semaine dernière dans l'émission, c'est pour fêter les 40 ans de notre station, ça se termine, et donc l'idée de ce jeu c'était de parler de la radio et de tout ce qui tourne autour, donc ces catégories rendent hommage de près ou de loin à notre station. Des questions solidarité, parce que Fadjet, c'est un projet solidaire. Alors on pourra retrouver des grands projets de la maison, des actions de solidarité un peu partout. Des questions insertion, parce que Fadjet a la mission de venir en aide à un public en difficulté, particulièrement aux jeunes. Des questions émission, parce que c'est des centaines de programmes depuis des années. Des questions cuisine, parce que là on est en direct, on est enregistré dans la grande salle d'accueil de Fadjet. Et il y a la cuisine tout près, et la cuisine c'est un lieu important depuis les débuts, car il s'en est passé des choses dans la cuisine, donc des questions cuisine pour honorer tout cela. Des questions musique, parce que Fadjet, c'est évidemment des heures et des heures de musique, et des questions culture, parce que Fadjet, c'est aussi plein de partenariats avec des grands événements, le Jardin du Michel ou le NJP, depuis le temps que je dis ça, depuis 2 mois et demi, j'espère qu'on va avoir plein de places, hein, du NJP ou du Jardin ou du Jardin du Michel. Voilà, tout est dit, maintenant il n'y a plus qu'à jouer. Et avant de commencer à jouer avec les deux équipes, on va écouter cette chanson des 40 ans qui a été éditée une première fois en février sur la version des Enfoirés. Et là, elle est un peu remasterisée grâce à l'intelligence artificielle. Et le pari de ce soir, c'est d'enlever l'intelligence artificielle et de faire la version avec vous qui êtes ici dans le public. On a d'ailleurs dans le public, on aura l'occasion peut-être de les entendre au courant de l'émission, et bien plein d'animateurs qui ont participé déjà à cette Académie Fadjet depuis le mois d'octobre. Voici donc cette version de Fadjet. On l'écoute tout de suite et on la chantera tout à l'heure tous ensemble. 40 ans de passion, 40 ans de radio, 40 ans de Fadjet. On a passé du temps sur Fadjet dans nos vies. Un peu de frime en moins et de la vie en plus. Fallait qu'on se protège, qu'on évite les pièges. C'est ce que Guy nous a dit et on a réussi. On s'est déjà tous égarés sur le chemin. Mais ici y a toujours quelqu'un qui te tend la main. Il fallait qu'on nous dise que rien ne peut nous briser. Si on avance ensemble, il fallait qu'on se rassemble. Et on aura encore des doutes, ils font partie de nous. Fadjet a pris des coups mais tient debout. On poursuivra notre radio demain. On sera pas toujours d'accord du moment. Vous êtes bien calé sur Fadjet 94.2, c'est la finale de l'Académie Fadjet en public. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Ça va mieux là que je vous ai pas trop entendu chanter encore. Ils sont pas trop entraînés à chanter, voilà, on verra tout à l'heure ce que ça donne sur cette belle version qu'on espère pouvoir, pourquoi pas, l'enregistrer un de ces jours avec les animateurs de la station. Alors, on va débuter, mais avant cela, Bruno m'a dit, j'ai quelque chose à dire avant de démarrer. Alors, complètement. C'est quand même l'équipe qui est en tête. J'ai un micro. Hein, pardon, c'est vrai, tu as un micro. Oui. Donc tu peux garder le tien, on m'entend. Exact. Oui, oui, vas-y Bruno. Il est très haut ce micro. Donc je voulais donc juste préciser que le nom de la bande à Bruno, c'était pas de la mégalomanie de ma part. Parce que je n'y suis pour rien dans le nom. C'est vrai. C'est Maud qui l'a trouvé sur l'intelligence artificielle. Et je me considère plus comme une mascotte que comme un chef d'ailleurs. Parce que le vrai chef, c'était Maud, qui n'est pas là ce soir. Oui, on pense à elle. Elle est sur la route, elle s'en excuse. Et puis, on voulait aussi dire une chose, on n'est pas là pour faire dodo, parce que... On est la bande à Bruno. Voilà. Les temps... Le ton est donné. Voilà, on la bande pas à Bruno. Impressionné. Non, Agathe n'est pas impressionnée. Bien sûr. Kevin, ça va? Pas trop. Donc, quoi, je suis tombé? Tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Je suis ravi d'être là. Et j'ai choisi le numéro 1 parce qu'on sera numéro 1. Voilà. Oui, alors. Hors antenne, c'est vrai que j'ai demandé à Kevin, comme il n'avait pas joué encore, de choisir deux questionnaires. Voilà. Puisqu'en fait, voilà, il y a deux questionnaires. Chacun va jouer séparément. Et donc, c'est une question de temps. Voilà. C'est bien. Plus personne. C'est bon. On va pouvoir y aller. Donc, attention. Je regarde ma complice, Swellen, que je salue d'ailleurs. Je ne t'ai pas dit bonjour, Swellen. Bonjour, Bruno. Swellen, qui est aussi madame qui va faire les comptes avec. Voilà, donc. On est parti. Donc, puisque c'est la bande à Bruno qui est en tête, c'est la bande à Bruno qui va commencer. Attention, le compteur va s'ouvrir, va se mettre en route. 3, 2, 1, c'est parti. On tire au sort. Hop là. Question musique. Allez, on va commencer par une question musique et donc une question audio. Les points. Bah non, c'est vrai. J'ai toujours du mal à me chauffer au départ. Alors, des questions à 10, 5, 3 ou 1 point. Allez, on va partir 5. Allez, 5. Attention, on écoute. Quel est le titre de cette chanson? Le titre. On a tous des rêves cachés, des pavés dans sa mémoire et des valises de souvenirs qu'on veut poser quelque part. Quand le soleil se couchait, j'avais des drôles d'idées noires. L'imagination bizarre. On a le droit à Joker. Alors, si vous... Oui, attention, ça va être terminé. Attention, c'est le refrain. Alors, oui, vous savez pas? Et c'est l'artiste. Hein? L'artiste, ah bah non, c'est pas l'artiste que je veux. C'est qui l'artiste? Johnny Hallyday, Michel Berger. Donc, c'est la dernière. C'est une chanson qui vient de sortir il y a une quinzaine de jours. Oui, 15 jours, 3 semaines, ouais. Alors, les deux. Mais c'est pas mon répertoire. Ressorti. Ressorti. Évidemment, ressorti derrière les fagots, hein. Voilà, une chanson qui était sur un album qui était retrouvé sur une chanson inédite de Michel Berger. Ah oui. Et donc, c'est un duo, et alors le titre. Alors, vous avez le droit. Vous déjà un joker tout de suite? On en a combien? Deux. Vous en avez deux chacun. Le micro aussi, on peut parler dedans. Enfin, parler dans les micros, c'est mieux. C'est ça. Vous voulez un joker? Oui. Sinon, c'est plus de questions à 5 points, homme, là, je vous rappelle. Il a l'air de connaître la réponse. Alors, vous choisissez qui? Mike. Alors, Mike. Attends, je me déplace. Mike. Oula. Il est chaud. C'est plutôt Mike que tu vas se déplacer. C'est mieux. Donc, effectivement, c'est bien joli et c'est l'amour que j'attendais. Oh là là. Ça me semble être ça. Attendez, on ne sait pas encore si c'est la bonne réponse. On valide ou pas? Oui, on valide. Allez, c'est bon. Bravo, Mike. Joker bien utilisé, ça fait donc 5 points, bravo. C'est un peu compliqué, j'ai des trucs partout. J'ai pas ma table habituelle. Hein. Oh là là. Une fois un certain âge, quand on a plus ses repères. Hein. Oui, c'est vrai, Bruno, tu as raison. Alors, je vais vous faire tirer au sort, ça sera plus. Il faut préciser hein, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent que la table de Benoît est composée en fait d'un tabouret avec oui, une surface ça. De travail très voilà. réduite. Ah, alors. Cuisine! Que se passe-t-il à l'intérieur? On a mis en route le. D'après ce que Benoît a dit. Question. Cuisine. Le doc colonel moutarde avec un couteau dans la Combien de points? 1, 3, 5 ou 10, c'est ça? C'est ça. 10 une seule fois. 10 une seule fois. Il y a des cuisiniers dans la salle 5 et puis. 5, allez. 5. Ça devrait pas être trop compliqué. Ah bon? Ce plat ensoleillé, reconnaissable à sa sauce rouge, composée de piment, tomate et d'un mélange d'épices, est une spécialité de l'île Maurice et de l'île de la Réunion, et également de Madagascar. Qui suis-je? On pense à Léa. Je pense à Léa, qui, effectivement... Oui, mais bah oui. Non, non, mais... Tu peux répéter, s'il te plaît ? Alors, une sauce rouge, la réponse avant des piments, des tomates, mélange d'épices. C'est une spécialité de l'île La Réunion, de l'île Maurice, de Madagascar. Tu as dit le rougail saucisse. Mais non, mais c'est pas ça, parce qu'il a pas parlé de saucisse. Attends, piment. Piment, tomate, mélange d'épices, spécialité de l'île de Réunion, de l'île de Maurice, Madagascar. J'ai pas forcément dit qu'il n'y avait que ça. Hein. Ah, oui, c'est ça. Ah oui, c'est non, pas forcément écoute, un plat végétarien. C'est le seul plat que... C'est le seul plat qu'on peut. Non, mais... C'est Réunion. Après, il y a un silence de... un joker, mais bon. Si on pouvait parler dans les micros, s'il vous plaît. Oui, mais essayez de parler dans les micros, parce que c'est vrai que c'est plus... Il a dit que c'était facile. Vas-y, c'est ça. On va suivre Kevin. Rougail ou rougail saucisse, je ne sais pas comment on le prononce, ce truc. Rougail saucisse. Oui, rougail saucisse. Mais je ne suis pas sûr que ça soit ça. Est-ce que c'est ça ? C'est ça ? Oh bah ! C'est la première chose qui m'est venue. Hein. Effectivement, il n'y avait pas la saucisse parce que c'était un peu facile. Ah. Épice, saucisse... Je ne connais pas où c'est de le regarder. Allez, on continue la bande à Bruno, c'est parti. La main innocente. C'est pas si innocent. Question insertion. Ah, une question insertion. Et là, je regarde... Combien de points ? Oui, combien de points ? Trois. Trois. Je regarde Fabienne et Aurélie qui attendaient ces questions-là avec impatience. Il n'y en a jamais eu dans l'émission. Il fallait bien que ça tombe. Attention, hein, c'est... Comment Fadjet a-t-elle fêté ses 30 ans ? Répondre. Alors, on se rappelle, c'était il y a 10 ans, hein, puisqu'on fête les 40 ans. C'est pas en rapport avec la prison Charles III. Jusque-là, pour l'instant, j'ai pas dit grand-chose. Ouais, donne l'article. Alors, ce qui est terrible et ce qui me frustre, c'est qu'on a dû en parler lors de la préparation des 40 ans et je n'ai pas mémorisé cette information. Et oui, j'attends trois événements. Là, ah, voilà. Carrément. Ah bah, pour moi, c'est... Bon. Est-ce que c'était pas dans une grande salle, déjà ? Non ? On va voir les articles, ils sont sur le mur. On triche pas. On ne triche pas. C'est pas tricher, c'est prendre de l'information. Voilà. Donc, tu dis, Benoît, il y a trois événements. Il y avait trois événements, oui. Donc, il faut citer les trois pour avoir les trois points. Bah, ça oui. Serait pas une question un peu complexe par rapport aux trois points qui sont accordés ? Ah bah, c'est vous qui avez choisi trois points. C'est vous qui avez choisi les points. Bah, on a choisi avant de connaître la question. Et vous ne les perdez pas. On a la réponse ou on ne l'a bon, pas. Après, vous n'avez pas la réponse. Moi, je pense qu'il y a peut-être un... Ah, vous est-ce avez... qu'il n'y aurait pas... Vous avez encore un autre joker. Hein, vous avez deux jokers. Bon, si vous grillez vos jokers, deux premières questions, après, vous n'en aurez plus. Mais moi, je pense que déjà, la fresque... qui se trouve derrière nous, a été réalisé lors des 30 ans. Ah, il sourit, Non. Non. Il y a Fabienne. Oh, c'était 35. Fabienne fait la gueule. Donc, non. Fabienne, tu n'as pas le droit de faire des signes. Oui, c'est 30 ans dans le solidaire. Et... les événements... Alors, je sais qu'elle sourit rarement. Moi, je pense qu'il faut dire sur un truc pour stopper, pour perdre du temps. Bon, bah, on passe alors. On passe. On ne les trouvera pas. Bon, alors, vous pouvez utiliser votre deuxième joker. Sinon, vous n'avez plus de questions à 3 points. Des personnes qui ont peut-être vu l'affiche. Alors ? On laisse tomber. Vous laissez tomber la question. Donc, plus de questions à 3 points pour la bande à Bruno. Alors, madame la directrice. Pas la peine de nous enfoncer non plus avec ce... T'es super fair play comme nana. Tu peux recommencer si tu veux. T'es super fair play. Madame la directrice, oui, enfin c'est... Elle s'est mise devant l'affiche qui avait la réponse. Exactement, il y avait une parole de jeune, il y avait un goûter solidaire et il y avait 30 heures de live. Ah oui. C'était ça les trois axes que l'on attendait pour cette question. Donc on reste à 5 pour la bande à Bruno. Et donc tu as arrêté le compteur partir du moment où c'était validé. Hop. Oula. Question insertion. Quoi ? Mais non, arrête. Non, c'est vrai. Combien de points ? 5 ou 3. Quoi ? Non. C'est bon ? Ça devrait pas être trop compliqué. Je crois, Kevin, t'es encore ou t'as été au conseil d'administration ? J'y suis toujours. T'y es toujours ? Ouais, mais attends. La pression, là. Non, c'est simple. Tout le monde connaît Fadjet. Oui. Mais derrière Fadjet, il y a une association. Ah. La Pavate. Ah. Oh non. La Pavate. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que veut dire la Pavate ? Je vais laisser Edith. Alors, association pour la promotion de l'audiovisuel dans les aumôneries techniques. Bravo. Bravo Kevin. Je l'avais plus ou moins. Non mais c'est vrai que 30 ans de CA quand même hein, aussi. Ouais, ouais et c'est vrai que alors je parle à nos auditeurs là, aumônerie technique, c'est très très loin. Hein. C'était tout au début, c'était vraiment dans les années 90 où Fadjet était présent dans les lycées techniques et il y avait une émission qui s'appelait Info Bahut où les animateurs de la station allaient dans près d'une cabine téléphonique parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable et c'était un peu la galère parce que ça marchait pas toujours, il fallait faire venir les jeunes qui des fois ne venaient pas et enfin c'était voilà, c'était la les années 90 et l'émission s'appelait Info Bahut. Fabienne aussi a longtemps été utilisatrice de la cabine téléphonique dans la cabine. Non mais... Après la cuisine, la cabine. Voilà. On continue donc, ça fait. C'était. Ils ont 10 points. 10 points, ça. On continue maintenant avec la bande à Bruno. Alors je pioche. Vas-y. La question qui est de type. On peut aller sur les 10 points. Question en cuisine. Bah oui. Ah, bah 10 points. Ouais, ils sont chauds. Alors. Hein ? Mais t'as pas trop la pression, Bruno ? Non, non. Oh, c'est. Qui moi ? C'est ouais. Une. Oh, bien. On, est d'où ? On est dans la viennoiserie. Oh. Ouais. Ah, c'est foutu. Non. Pour un pâtissier, c'est facile. Ah non, c'est toi qui as choisi. Hein. Je rappellerai qu'une personne s'est cachée devant l'affiche avec la bonne réponse de la question précédente. Oui. C'est la viennoiserie. C'est la viennoiserie, c'est du temps qui découle. Hein. C'est la viennoiserie la plus appréciée des Suédois, ultra moelleuse et fondante. Cette petite brioche roulée à la cannelle se mange... Bruno, c'est ça ? Ah ben, tu as l'air de savoir de quoi elle parle, donc moi je la suis. C'est ça. Mais il y a un autre mot. Hey, 10 points d'un coup. La question était même pas. Rouler à la cannelle en français, c'est mieux, mais. Effectivement, ouais. 10 points bien utilisés. Donc 15. Bon, ça va, 15. 15, 10, va. Et maintenant on continue. Vous retirez. Question solidarité. On est dans la. Dans la thématique aujourd'hui. Hein. Pas, on reste sur du 5. C'est comme ça qu'on est arrivé là. Qu'est-ce qui a démarré le 17 novembre dernier ? C'est le calendrier de l'Avent de Saint-Nicolas. Non. Ouais, c'était pas. C'était presque... Pardon ? C'est un lieu à Nancy ? C'est partout. C'est partout. C'est pas seulement à Nancy. 17 novembre dernier. Alors quand tu dis partout, partout en France ? Oh, oui. Oh, je suis pas sûr. Partout en France. Mais je dirais l'ouverture de la maison des femmes, mais je suis pas certain. C'est en lien avec ça. Oui, oui. Ah, c'est partout. Échanger. On échange, hein. On valide pas là. Hein. On n'a pas validé. C'est quelque chose qui est partout en France. Eh ben, c'est les Restos du Cœur, peut-être. 17 novembre. Ouais. C'est la campagne. Nouvelle campagne des Restos du Cœur, non ? Une nouvelle campagne ? Bah, tous les ans. Hein. Oui, oui, mais. Ah, c'est à peu près dans les eaux, là, de toute façon. Ah bon ? Bon. Est-ce que vous avez une autre idée ? Non, non, mais après, si c'est partout en France, moi je pensais que c'était local, Fadjet, mais bon, après, tant pis. Oui, mais tu sais que maintenant, on est sur Internet, en fait, c'est dans vrai. Le monde entier. Où il y a des tensions dans l'équipe. Non, mais... est-ce que vous voulez demander un non, joker ? Non, non, non, non. On part là-dessus. Allez. Ouais. Eh ben, on valide. Donc, le 17 novembre dernier, ce serait le démarrage de la nouvelle campagne des Restos du Cœur. J'aime pas quand il a la voix là. Non, mais... Il est neutre. Alors, dans le public, juste en fait, je vais trouver si. C'est bon, Élise. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Et alors, on est à combien le numéro de la campagne ? Hein ? Ouais, 40 c'est ah. Bah, il a lancé son appel en 85. Parce oui, qu'en donc, 86, on est mort, commence laquelle ? La 41e ? Ah, oui. Ah. Ah, voilà. Oui. C'est là le début de la 41e. Ça a commencé en 85. Oui. Mais là, c'est la campagne 2026. Voilà. Et donc, ça fait. C'était combien ? C'était 5 points. 15 partout. 15 partout. 15 partout. Avec 3 questions chacun. Mais nous, on a deux jokers. Mais ça va se... Il a encore la 10 points. Mais il a encore deux jokers. Et ça se jouera sur le temps, ça bien se sûr. Ça se joue pour le temps, parce que là, on ne sait pas qui a mis plus de temps pour l'instant avec moi, le compteur. Sais. Ça, il y a un peu de suspense. Ça, moi. On continue. On tire Marie. Un petit... Ah oui, non, c'est Manon. Vas-y, Manon. Question, émission. Donc, combien de points? Un point, cinq points? Oh là là, oh là là, oh là là. Je suis tiraillé, je suis tiraillé. On a tout droit. Ouais. Après, on a droit au joker et le joker et peut encore être un joker. Ah oui, même, vous avez encore un joker. Donc c'est vrai que vous pas utilisé. Avec un joker. Si, voilà, s'il y a besoin. Allez, 5 points. Allez, on va. C'est la question 39. Question, attention, il y a question-réponse. Quel animateur s'exprime? On ne fait pas de bruit, on écoute. Ça va sortir. Ça veut dire là-bas. Que même si t'as les pétoches, il ne faut pas rester dans le canapé. L'autre jour, Marge m'a interdit d'acheter des donuts. Et ben, malgré la peur, j'en ai acheté quand même. Alors, je peux être le joker, leur dire n'importe quoi. Non, non, non. Alors, quel animateur? Est-ce que vous voulez que je repasse? On peut peut-être réécouter quand même, faut être fair-play. Hein. Allez, oui, allez, ça on veut dire que même si t'as les pétoches, faut pas rester dans le canapé. L'autre jour, Marge m'a interdit d'acheter des donuts, et ben malgré la peur, j'en ai acheté quand même. Donc vous avez sans doute... Je sais pas, que Stéphane imite Homer, mais je pense pas que ça soit Stéphane là pour le coup. Ouais. Oui, ben voilà, en plus. Il peut être joker. Alors, est-ce que vous êtes situé où l'animateur... Je ne suis pas sûr de reconnaître Manu non plus. On tente un joker ou... ça serait dommage de louper les 5 points. C'est dans quelle émission, à votre avis? Est-ce que vous avez déjà situé? C'est peut-être pour vous tromper c'est aussi. Pas sa manière de... C'est pas son élocution habituelle. Je pense pas que ça soit. Bon, je pense que le public demande un joker. Je sais pas si vous voulez l'utiliser, alors, mais. Est-ce qu'on peut demander au public qui connaît la réponse et que la personne lève la main pour qu'on choisisse le joker? Allez. Joker? Allez. Manu a une folle envie de répondre. Alors, est-ce que vous demandez à Manu? On va demander à Manu. Ben, je crois bien que c'est Julien du mardi. Ah c'est vrai qu'il est un peu... Oui, c'est vrai, maintenant qu'il le dit. Ouais. Julien du mardi, donc de la matinale du mardi. C'est quand même un collègue de Bruno, hein. Oui, il va m'insulter. Mais ça devait être un jour où j'étais pas là. Et on écoute la réponse. Ben, je suis assez d'accord avec vous, hein, même avec toi, Homer. Le sens caché de cette citation, c'est que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Effectivement, c'est vrai que Julien, de temps en temps, il habille ses phrases un petit peu en imitant, et il avait très bien imité Homer. Ça fait donc que vous étiez à... On est à 20 points maintenant. 20 points. Mais plus de joker maintenant. Non. Allez, on tire. Agathe, vas-y. Ou non, Edith, à toi de jouer. Une question culture. Et une question à combien? 5. 5, c'est bien. On change pas une équipe qui gagne. Il y a potentiellement un joker possible dans la salle. Qu'est-ce qui dure? Non. Ne va pas sur ce terrain, le joker. C'est une question culture. Hein. On n'est pas dans la matinale du lundi matin. Pour ceux qui étaient à l'écoute la semaine dernière. Qu'est-ce qui dure 8,2 secondes? Quoi? C'est ça, cette question? C'est ça de la culture? Bah oui, c'est de la culture. Alors là, j'en sais rien du tout. Je suis pas censé aider, si. Attends. Il n'y a aucun joker qui va nous dire. Hein. C'est pas musical. Qu'est-ce qui dure 8,2 secondes? Ça peut être François. Alors, il te regarde bizarre. Honnêtement, il y a du règlement de compte qui a dit. Non. Mais c'est de la culture. Bah non. Bah oui, c'est de la culture. On risque de perdre beaucoup de temps. Bon, allez, joker, on perd pas de temps. Allez, joker, public, aidez-nous. On va demander à Sarah, on va appeler un joker. Ça c'est un peu... téléphoner, hein. Mais bon. Allez, on téléphone au public. Sarah, attends, j'amène le micro à Sarah. Alors, 8,2 secondes, c'est le temps pour tomber amoureux ou le temps pour mourir. Et c'est le titre du dernier roman de Maxime Chattam qui est sorti en octobre 2020. Oh là là. Ah ouais, oh là là. Comment veux-tu savoir ça? J'étais sûr que... Ah, mais on en a beaucoup parlé. J'ai une proposition à faire, s'il vous plaît. j'ai une proposition à faire. Oui, Alex. Je trouverais pertinent que Sarah anime une émission sur le thème de la littérature régulièrement sur Facebook. Ouais. On pourrait l'appeler Caprice de lecture, par exemple. Je ne sais pas si tu en as parlé. Non, parce que malheureusement, je n'ai pas parlé dans la matinale. Voulez-vous que j'en parle? On perd du temps là, on perd du temps. Non, on a coupé le temps là. Non, mais on a coupé le temps, hein, bah, on a le temps. Hein. Si tu veux nous en dire de... Ah bah écoute, eh ben viens Sarah si tu veux, hein, puisque viens. Allez, nous. En 8,2 secondes, hein, dépêche-toi. Hein. Alors Maxime Chatham, récemment divorcé de Faustine Bollaert, revient avec ce roman 8,2 secondes. Mais c'est quoi 8,2 secondes? Eh bien, c'est l'histoire d'une femme qui retourne dans un chalet un peu perdu dans les bois. Seule, on apprend au fil des pages qu'elle a perdu dans un accident, on suppose que c'est un accident, son mari et son enfant unique. Et donc elle est qu'avec son chien et puis elle entend des voix, voilà, il se passe des choses dans sa vie, pas très catholique, ça fait un petit peu fantastique. Et il s'avère que la perte de ces deux personnes qui étaient très chères à son cœur n'est pas en fait aussi dramatique qu'elle veut le dire. Et Maxime Chatham, dans ce roman, rend hommage à une personne qu'il a perdue, qui est décédée dans son entourage. Et il nous explique, et c'est scientifique, qu'il faut 8,2 secondes pour tomber amoureux de la personne de sa vie. David, il m'a fallu 8,2 secondes. Oh, et c'est aussi le temps... C'est mignon. Et c'est effectivement le temps que l'on met à mourir. Ah oui. Entre le moment où le cœur s'arrête et où le dernier message est envoyé au cerveau. Voilà, moi j'ai appris ça aussi. Wow. Donc lisez Maxime Chatham, c'est carrément mieux que ce qu'il avait écrit avant Lux. Il revient un petit peu dans les policiers thrillers. Voilà, pour retrouver cette chronique, je vous invite à reprendre l'écoute de la matinale du mercredi dans laquelle je reviens. Voilà. Ah, bravo. Merci Sarah. J'ai même pas eu à prendre mes notes. C'était parfait. Voilà. Un petit point sur les scores. Nous sommes à 20. Soualem. 20. Et un joker utilisé. Et un joker utilisé. Et de l'autre côté... Et pas de question 10 encore. Et pas de question à 10 points, c'est vrai. De l'autre côté, on est à 20 points également et seulement... Et puis plus de joker. Ok. Et la question et à 10 points. Et la question 10 points, voilà. Et les 3 c'est points... sans filet, là. Ouais. Il faut plus vous tromper parce qu'après, un point... Allez, on reprend, on remet en route les chronos et on tire au sort une nouvelle catégorie. Il en reste deux. Question solidarité. Donc 5 points, je suppose. Ah. Ils sont joueurs. Un ou 5? Allez, un point. Ah. Ils ne sont pas joueurs, pardon. Ah, on n'a plus trop le choix. Hein. Ouais. On reste avec les Restos du cœur. De toute façon, il nous reste deux questions, nous. Celle-là qu'on va pas répondre, la prochaine qu'on répondra pas non plus. On reste avec les Restos du cœur. Ça va pas trop compliqué. Où auront lieu les prochains concerts des Restos du cœur en 2026? Je n'en ai fichtrement aucune idée. J'attends une ville. Hein. On veut une ville, oui. Bah, oui, c'est une ville. Merci. J'en ai pas entendu parler. Au hasard, bon. On n'a pas entendu parler, tu me diras. Hein, j'ai entendu la réponse. Bon. Une première lettre? Une lettre? Non. Pour un point, faut pas exagérer non plus. Non, pour un point. On va dire au hasard. C'est quelle idée te venait en premier, Bruno? Bordeaux. Mais au hasard total. C'est plutôt le nord, le sud? Ni l'un ni l'autre. Ah. Après, Bordeaux, c'est le sud-ouest. Hein. Donc, oui, c'est l'ouest, ça peut être Bordeaux. Ça. Hein. Non, c'est là, faut pas écouter. Alors, Alex, tu disais? Bah, du coup, je vais dire Paris, puisque c'est ni nord ni sud, on peut. Bon. Allez, Paris, on va pas perdre de temps. Paris, allez, ne perdons pas de temps, t'as raison. Ils ont dit quoi? C'est Paris, évidemment, c'est l'Accor Arena. Ah. Ça valait le coup de perdre 2 minutes pour un point. Allez, on est à combien là? Du coup, 21. 21. C'est bon. Bah, toi, Agathe. Vas-y. Allez, Agathe, il reste. Ah! Question musique. Ça dépend sur quoi c'est. C'est la même que... 5 encore. Allez, 5. Envoie. Quel est le prénom de Stromae? Oh, punaise. Non, Agathe, je ne te donnerai pas la réponse. Non, je te fais des sourires. Mike, il sait, a priori. Attends. T'es sûr, hein? Ah bon? Attends, on peut réfléchir, mais alors là. Est-ce qu'un joker utilisé peut être. Tu m'aurais dit ce que Stromae, c'est maestro, c'est l'anagramme, ça je sais. Mais après. Il a un prénom. Oui. Il a même un prénom et un nom. Bah oui, ça. Oui. Ouais, là, je. Parce que c'est pas son nom, Stromae. Oui, allez, Joker. Joker. Mike. Allez, Mike, envoie. Encore Mike ? Bah, je pense. Il y a Aurélie qui lève la main aussi, non ? Aurélie, tu sais aussi ? Mike. Ah bon? Ah parce que ah oui, en plus de public est sur son téléphone. Non, mais je... Allez Mike, vas-y, dis-nous tout. Allez. Bah, il s'appelle Paul. Bravo Mike. Comment? Ah bah Paul alors. Merci, on fait confiance. On valide. On valide. C'est ça. Bravo. Il s'appelle de son vrai nom Paul Van Haver. Ah bah oui, il est belge, ça. Il reste une question culture et on aura fait un premier tour. Une question culture. C'est une question audio, sous Hélène. Je vous ai parlé de la Géorgie aujourd'hui. Si on revient maintenant au néolithique, il y a environ 8000 ans. Pas de panique. La Géorgie, il y a environ 8000 ans, dans quel domaine aurait-elle été la pionnière ? Le néolithique, au néolithique ? Il y a 8000 ans, vers 6000. Alors, c'était encore plus compliqué. C'était il y a pas tellement longtemps dans la matinale. Oui. Du jeudi. Exact. Si c'est ça la réponse à la question. Je pourrais expliquer à Kevin qu'il est dans notre équipe. Mais j'ai plus la réponse. Hein. Pour répondre à la question de Nacera, ou il faut dire que c'est Nacera qui a posé la question. Non, c'est la réponse à la question de Nacera. D'accord. Nacera, est-ce que tu veux répondre à cette question ? Ben, elle est partie. Et vous n'avez plus de joker. Non. C'est quoi la question ? C'est quoi la question déjà ? Elle était, en fait, la Géorgie a été pionnière dans quelque chose. Dans quoi elle a été pionnière ? C'est assez surprenant. C'est pour ça que ça m'a vraiment attiré, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette réponse-là. Je me souviens plus. Non, tu t'en rappelles plus, Kevin ? Non ? C'était il y a une dizaine de jours. C'est pas très long. Oui, non, il y a 15 jours. Oui. 15 jours. Tu donnais davantage d'indices à l'époque. Oui, bah, et c'est la finale, là. C'est la finale. Hein. On m'a dit que je donnais trop d'indices, alors... Il n'y a plus que des questions à un point. Non, mais ça va être c'est ce que j'ai dit, on avait deux questions à répondre. Ça, non, après, pensez un peu à. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu trouver en Géorgie ? Bah, j'en sais rien, je ne sais même pas où c'est. Ouais. J'ai entendu alcool. Ah, alcool ? On n'a pas le droit de faire du playback. Le vin ? Alors ? Moi, j'aurais confiance en la réponse de Manon. Je sais pas, hein. Vraiment, j'ai dit De toute façon, on n'a aucune autre réponse. Bon, alors, la Géorgie aurait donc découvert le vin. On écoute la réponse de Nacera. En fait, la Géorgie, c'est. Alors, ce serait l'un des pays, parce que c'est toujours un petit peu discuté par les historiens, l'un des premiers pays à avoir fabriqué du vin. Il y a des archéologues qui ont retrouvé des traces de vin dans des jars en céramique. Il y a eu un peu d'aide. Ok. Je vois pas alcool, du tout. Bon, c'est pas la fête du jeudi. Ouais, là, j'avoue que. Bon. Moi, je propose qu'on ait un troisième joker, nous aussi, si on a besoin. C'était pas un joker, il a parlé trop fort. On est à combien de... Alors, nous sommes à 26. 26. Du côté de la bande à Bruno et 25 du côté des Alf. Vous écoutez la finale de l'Académie Fadjet en ce vendredi soir. Et il reste une question pour les Alf. Question, émission. Question. À 10 points. Il rigole. Benoît, non, rigole. Non, je rigole pas. S'il vous plaît, c'était Adrian Gurwitz avec Classic en 1982. Jack Johnson arrive donc juste après Pierre Bachelet, qu'on écoute tout de suite avec Emmanuel en 1974. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps. Vous avez retrouvé, vous avez reconnu facilement qui, corps à cœur déçu. Un des anciens, très anciens de la radio. Oui. Gaël. Oui. Ça va, c'est facile pour vous. Vous voyez la question arriver. Ah bon ? Non, pas de... Quelle émission anime-t-il ? Dans quelle émission ? Oh, c'est facile. Quelle émission a été tiré cet extrait ? Bah, Vinyl Maniacs. Tous les jeudis matin dans la matinale, je dis le jeudi à 20h, Vinyl Maniacs animé par Gaël. Alors, il y a une autre émission parce que. Ah, Yves, dis-nous. Oui, alors vu, la lenteur des musiques, je sens que ça pourrait être minuit moins une le dimanche à 23h. J'étais pas né, donc je peux pas savoir. Donc, c'est bien probable que ce soit plutôt celle-là que Vinyl Maniac. Parce que, voilà, je pense que le piège est là. Minuit moins une le dimanche à 23h. Allez. On fait confiance, minuit moins une. Vous validez? Oui, on valide. Minuit moins une. On n'entend rien. Et on dira merci au directeur des programmes parce que Kevin, il sautait dans le piège. Mais c'est vrai que le jeudi, on ne parle que d'émission du jeudi, donc forcément, c'était la deuxième émission de Gaël, minuit moins une. Il en a fait plein. Il en a fait plein d'autres avant, mais c'est les deux actuellement sur Fadjet. Vous avez fait un tour, donc on reprend un deuxième tour désormais avec la bande à Bruno. Allez-y, tirez. Question culture. On a encore le droit aux 5 points. 1 et 5. Oui, allez, 5 points. De toute façon, pas s'en foutu pour foutu. Une question musicale, une question audio, pardon. Qu'est-il arrivé à Jean-Marie pour qu'il écrive « Ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé assez loin » Oula. Les questions, elles sont pas égales. On est content d'avoir participé. Oui, mais c'est des questions de finale, hein. Oh là là. Alors, Ah ouais, facile. Alors, je vous aide un peu quand même, parce que là, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué si on n'est pas le contexte. C'est tiré d'une émission qui a fait son retour il y a peu de temps, qui s'appelle le mercredi à 18h. Le menu étudiant. Voilà. Donc ça vous aide. 5 points. Ça vous aide. Donc qu'est-ce qui peut arriver à Jean-Marie? Déjà, Jean-Marie. C'est qui? Voilà, qui est Jean-Marie? Je sais pas. Et ben voilà. Tu peux répéter la phrase? C'est la question. Qu'est-il arrivé à Jean-Marie pour qu'il écrive quelque part « Ne crois pas que tu t'es trompé de route » quand tu n'es pas allé assez loin. Donc Jean-Marie, à mon avis, menu étudiant, Jean-Marie, il n'y a pas quelque chose qui... Bah oui, c'est pas nouveau quand même. Il est pas étudiant, Jean-Marie. Non. Est-ce que ça parle de l'avenir? On est dans menu étudiant. Il a été étudiant, Jean-Marie, et maintenant il n'y est plus. Je ne sais même pas qui est Jean-Marie. Moi. Non, mais ça n'a pas... Enfin, si, ça. C'est... Voilà, c'est... Mais bon... Jean-Marie n'est pas une personnalité connue. Guillaume a la réponse. Ça aurait pu être... Ça aurait pu être Alfred. Okay. Mais c'est en rapport avec les étudiants. Ah, puisqu'il est dans, il était dans... On l'a évoqué dans menu étudiant. Poursuivre ses études. Peux-tu répéter la phrase, s'il te plaît, Benoît? Qu'est-il arrivé à Jean-Marie pour qu'il écrive? Donc, il a écrit quelque part... Ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé assez loin. Qu'est-ce qui a pu arriver à Jean-Marie? Il faut poursuivre ses études. Il a arrêté ses études. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté ses études. Et il les a recommencé après. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit ça où? Ah, il se l'est tatoué. Non. Sur une copie quelconque. Au niveau des études, on peut aller jusqu'où? Master? Doctorat. Ouais, et qu'est-ce qu'on fait là? Une thèse. Voilà, donc. Il a soutenu sa thèse. Il est docteur. C'est sa thèse, c'est son sujet de thèse. Il est doctorat. Donc, il a écrit. Il a écrit sur. Sur sa. Vie. Sur sa. Je voulais dire, sur sa thèse. Ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé assez loin. Et Jean-Marie, il a quel âge? Allez, on va dire qu'il a un certain âge, donc passé les 70 ans. Exactement, il a 90, je crois. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Et donc, il a passé sa thèse... À 90 ans. À 90 ans, et donc, il a écrit sur la couverture de sa thèse, « Ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé assez loin », parce qu'il aura bien mérité d'écrire une thèse à cet âge-là. Bon, vous avez perdu du temps, hein, donc je vous l'accorde quand même, mais bon. Ouais. Ils n'ont pas été aidés du tout. Non, du tout. Hey, il leur reste, ils ont gagné. On est beaux joueurs, ils ont 29 points, on en a 35, c'est bon. Allez, on continue. Question solidarité. Allez, on reste à 5. Oh, facile. Enfin, facile. Quel est le symbole le plus souvent associé lorsqu'on parle de solidarité? Le Le symbole, symbole. Bah, solidarité, oui, c'est les mains, le serrage de main, quoi. Ouais, la main cymbale, les serrages de main. Enfin. Ouais, regarde sa tête, c'est ça. Donc bah, oui, la main, enfin, les oui, la main. La main tendue. La poignée de main, la main tendue, ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Benoît. Ils sont à 40 points. Oui, donc effectivement, oui, au niveau du temps, ils n'ont pas les 40 points. Donc effectivement, 40 points. Vous avez. Vous êtes 40 tout pile ? Bah oui ! Bon, bah bravo ! Et eh bah on n'avait pas besoin du temps. Effectivement, nous avons donc nos vainqueurs. J'ai plein de questions encore. Mais est-ce qu'ils ont fait plus de temps que nous ou moins ? Vous voulez vraiment savoir ? Ah, ils nous ont défoncé. Ah, la réponse fait mal. Dire, pas de soucis. Hein. Non, mais ok. Ah, bah on pourrait, oui. Mais... Bon, bah c'est pas grave. Ok. On va aller faire dodo. Vous avez 7 minutes d'écart. 7 minutes d'écart. Et 7 minutes en moins ou 7 minutes en plus ? Alors vous êtes plus 7 minutes de plus que. Avec 40 points moins 7 minutes. Avec de toute façon, on a avec surtout combien de points en moins ? Alors. Ils sont à 12 minutes et 2 secondes. D'accord. Ils sont pas, à 40 en plus. Non, 12 minutes et 19 et 2 secondes. C'est donc les Alphes qui ont remporté cette finale de l'Académie Fadjet. Et on va maintenant essayer de chanter. Ah. Bravo! Puisque selon la tradition, eh bien... Alpha Jet, c'est les avions. Voilà, c'est pour ça, oui. Ils vont très vite. En fait, c'est les Alpes. C'est les Alpes, c'est pas les Alphes. Oui, mais j'ai rajouté les un Alpes, F. Ça fait penser à un petit extraterrestre d'il y a 45 ans. Oui, ça faisait penser à ça. Les Alpha Jet, ils vont très très vite, la fois. Bah oui. Ouais, il a choisi le bon questionnaire. Le rougail saucisse, ça fait la différence. Donc, petite pensée aussi à Daniel qui a créé ce nom et à Noémie qui était avec nous. Voilà, exactement, j'en ai parlé tout au et début. À Zoé. Ouais. Et Zoé qui était aussi avec vous pendant cette première manche qui vous a amené, bien sûr, en finale. Bon, la bande à Bruno, c'est... C'était nul, hein, tu peux le dire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais voilà, c'était un jour sans. Je viens dans mon univers déjà, donc je pouvais pas aider. Ah oui, oui. Bah. L'Académie Fadjet, la chanson finale. Oh là. Allez, on va finir en chanson parce que l'Académie Fadjet, ça finissait toujours en chanson à l'époque. Et encore, donc on va essayer de faire une version de notre radio demain avec la version Café Gourmand. Allez, musique avec la version instrumentale. 40 ans de passion, 40 ans de radio, 40 ans de Fadjet. On a passé du temps sur Fadjet dans nos vies, un peu de frime en moins et de la vie en plus. Fallait qu'on se protège, qu'on évite les pièges, c'est ce qu'il nous a dit et on a réussi. On s'est déjà tous égarés sur le chemin, mais ici y a toujours quelqu'un qui tend la main. Il fallait qu'on nous dise que rien ne peut nous briser si on avance ensemble. Il fallait qu'on se rassemble et on aura encore des doutes. Ils font partie de nous. Fadjet a pris des coups, mais elle tient debout. Attention, le refrain, il est plus simple. On poursuivra notre radio demain. On sera pas toujours d'accord du moment qu'on s'aime encore. Poursuivra notre radio demain, à nous d'échanger le décor. Ensemble on est bien plus fort. Plus fort, plus fort. Wouh. déjà 40 ans d'infos, humour et de musique, des matinales aux nocturnes, rock, funk ou jazz. On restera tous solidaires, sans jamais oublier que le chemin est long, avant de faire pour de bon. On nous dira tellement de fois que l'on est fou d'y croire. Mais on n'y croit pas, dites-nous qui le fera. Allez, on reprend le refrain. On poursuivra notre radio demain. On sera pas toujours d'accord du moment qu'on s'aime encore. On poursuivra notre radio demain. À nous d'échanger le décor. Ensemble, mais bien plus fort. Comment faire? Oh, faut détruire les barrières, ne plus jamais se taire. Si on le fait ensemble, on sait comment faire. Faut détruire les barrières, et qu'est-ce qu'on sera fiers? On poursuivra notre radio demain. On poursuivra notre radio demain. Padgett, on est bien plus fort. Et on poursuivra notre radio demain. À nous de changer le décor. Padgett, on est bien plus fort. C'est ainsi que se termine. C'est ainsi que se termine cette finale de l'Académie Fadjets avec la victoire des Alpes qui l'ont remporté haut la main. En première bravo, partie bravo. Soprano au Zénith de Nancy. J'espère que vous avez passé en notre compagnie une très très bonne soirée, même si on vous a un peu cassé les oreilles. C'est pas grave, c'était pour la bonne cause. C'est ainsi que s'achève ces 40 ans, ces grandes fêtes des 40 ans de Fadjets. On se retrouvera bien sûr pour d'autres aventures très bientôt. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Mais oui, Edith, il est là. C'est pas celui qui devrait être là, mais c'est un factice, hein, en attendant le vrai. Ah, c'est le petit Jésus de la crèche. Le trophée de l'Académie Fadjets avec des photos à prendre de loin, s'il vous plaît. Toi aussi, tu commandes des poupées sur Temu. C'est pour donc la victoire de l'équipe des Alphes. Bravo. Des Alphes. Oh là là, il est beau. Là, il est beau. Merci. Merci à vous de votre attention. Les programmes de Fadjets continuent, bien sûr. Avec et je vous dis à très très bientôt sur Fadjets. Merci à vous, merci encore et à très bientôt. Bonne fête, bye bye.